Le point de deal vient d'ouvrir. Les premiers clients se pressent déjà. Des jeunes, mais aussi des quinquagénaires, comme ici. Des transactions au beau milieu du quartier en pleine journée. Drogue et argent passent de main en main en moins d'une minute. Et c'est... Plusieurs fois j'allais perdre la vie, une seule fois je verrai la mort. Mais tu le crois si tes vies sont sa vie, même si t'es pas d'accord. Trop de haine en moi, je suis apaisé seulement sur mon tapis de prière. Mon ami a creusé la caissière, il en a marre que sa mère nettoie leur poussière. J'avais si au bled et je me casse d'ici. Que des allers-retours au ralenti ici. Plus je grandis, plus je pète les plots comme d'ici. Quand tu les crois seuls, ils font moins les malins. Rembats tes bisous, tes câlins. On crache dans la bouche et j'éteins son palin. Qu'est-ce qui veut me haka? Je suis au bel, y'a Gokali, y'a un compte à la pelle. Je débloque un calage, je te ramasse à la pelle. Nuit blanche au sud, ça enchaîne à être but. Je suis en gamin, t'as cru que t'allais michetonner. Nique ta mère à la haine. J'suis en bas de la tour. Si t'es filant, j'serai bénard de popa. J'suis les potes du connard, de Grigny, Rouda, quand j'suis connard. Portez coronaire, reste discret, y'a loin ton business. Toute la main finale, tu nous verras pas venir. C'est dans tes grosses lières que j'lis mon avenir. Bienvenue au camon, neuf rois, le bien qui est bien des empires. C'est ta braquage aux les mains, aujourd'hui j'suis ton pote, mais tu me baiseras demain. On fait pas des plafonds de gamin, j'ai roulé un gros joint juste avant l'examen. Parfois j'pardonne pas. J'y dois en pleine gueule, ça tu le sais. Clicos MTS, Clicos te sait. Là ce but, il a cassé mon refri, je le connais. Il a pas balancé, il assume sa peine. T'as connu le haram avant le halal, fais pas la belle. Dans ma tête on voit mal, beaucoup de frères manquent à la peine. Putain, encore un mort et j'en putain. Tu vendrais ta mère pour des loups, tu es en bas de la tour.